Eh bien, on va enchaîner avec toi, Jean-Paul, tout de suite, avec la bio au Bifidus Actif. Tout à fait, Thibault. Alors, la semaine dernière, nous recevions Laurent Tardieu pour une pièce qui fait frissonner, et lundi, c'est Halloween. Entre-temps, François Hollande s'est fait peur, en apprenant que 96% des Français ne lui faisaient plus confiance. Le plus étonnant, c'est quand même qu'il y en a encore 4% qui lui fassent confiance. Alors, j'ai fait mon enquête. Qui sont ces 4%? 4%, c'est le pourcentage de Français qui ne possèdent ni télévision, ni smartphone. Tout s'explique donc. Alors on me dira, oui, mais c'est pas très sympa, on tire pas sur une ambulance. Moi je dis, ça dépend de qui est dans l'ambulance. Et pourtant je l'aime bien, François. On a des points communs, on roule tous les deux en scooter. On sort tous les deux qu'une actrice. Enfin lui surtout, hein, parce que pour moi c'est un projet. Alors en cette semaine horrible, j'ai donc décidé de consacrer ma bio à un personnage de film d'horreur, en l'occurrence Frankenstein. Wow. Alors immédiatement quand on pense au petit Frank, on se demande quel est son lien de parenté avec Albert. Albert Einstein. Oh là là. Est-il son fils ou son frère? J'ai donc fait des recherches et j'ai découvert qu'Albert Einstein était en fait le père de la bombe atomique, en l'occurrence Sophie Marceau. Mon futur beau-père ne pouvait donc pas être également le père du petit Frank. Il ne pouvait être pas son frère non plus, puisque son frère qui ne quittait jamais s'appelait Stein. Les frères Frank et Stein. Oh là là là là là. Puis j'ai bien réfléchi. J'adore me regarder dans la glace. Et j'en ai déduit qu'il ne s'appelle pas Frank mais Stein, puisque Frank est Stein. Oh là là là. Et vous me suivez toujours? Bon, si vous ne suivez pas, rassurez-vous, il existe le podcast que vous pouvez écouter au ralenti. On en a besoin. Bon, pour la simplicité du récit, nous continuerons de l'appeler Franck, comme Franck Ribéry, dont la ressemblance avec Frankenstein est pour le moins troublante. Interrogé à ce sujet pour savoir comment il le vivait, il a répondu: au niveau des sensations, je n'ai rien ressenti. Puis au sujet de Frankenstein: J'espère que la roue tourne, va vite tourner pour lui. Voilà. Alors faut-il en déduire pour autant que tous les Francs ont peur? Font peur, pardon. Franck Dubos dans Les Visiteurs 3, par exemple. Oh non. Mais comme j'ai déjà dit, on ne tire pas sur une ambulance, même si ça fait bien poirer. Oui, je sais, elle est facile, mais je m'en lasse pas. C'est également ce que disait Rocco Siffredi à propos d'une de ses partenaires. Tout se regroupe dans ce cas. On est liés. Improbable. Ah ouais. J'ai donc poursuivi activement mes recherches sur Internet. Rocco Siffredi, il a quand même fait beaucoup de films. Et j'ai découvert que si Frankenstein ou son monstre n'avait pas de famille, à ce moment-là de ma chronique, certains auditeurs plus perspicaces que d'autres auront remarqué que j'ai un peu confondu Frankenstein, qui est le créateur du monstre, et le monstre lui-même. Je viens de me rendre compte aussi. Mais bon, il est 4h30 du matin, au moment où je rédige cette chronique, au fin fond d'une oubliette humide d'un château de Transylvanie. Oui, j'aime bien être en condition pour écrire. Je ne vais pas tout recommencer. Par convention, nous dirons donc que le monstre, c'est Frankenstein, qui de toute façon est beaucoup plus vendeur que Jean-Christophe Durand, qui était en fait son vrai nom. Donc, si Frankenstein n'avait pas de famille, c'est tout simplement parce qu'il avait été fabriqué avec des morceaux de différents êtres humains. Bon, le résultat n'est pas fameux, hein, mais il a quand même eu du pot, ou de la peau. Car ça aurait pu être pire. Il aurait pu avoir la taille de Nicolas Sarkozy, la chevelure d'Alain Juppé, les oreilles de Danny Boone, le sexe de Morandini, et le cerveau de Nabila. Et là, ça aurait vraiment fait peur. Alors que pour reproduire un être parfait, il aurait été tellement plus simple de cloner Sophie Marceau. Merci. Mais je m'égare de l'Ouest. Ah, oui, je sais, la gare de l'Ouest, elle n'existe pas. Hein. Mais comme j'ai déjà fait la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de Lyon et la gare Montparnasse dans mes précédentes chroniques, j'ai dû en inventer une. Alors ça, c'est un truc que je donne aux personnes qui décident de devenir chroniqueurs. Quand vous voulez faire le portrait de quelqu'un et que vous n'avez pas grand-chose à raconter sur lui, trouvez des phrases, comme c'était toutes les gares, pour gagner du temps. Ou encore celle que je suis en train de vous dire. Et hop, encore 30 secondes de gagner. Et encore 30 secondes de gagner, ça fait encore 5 secondes. Plus qu'une minute. Alors certains diront que je joue la montre. Faux, car je n'ai pas de montre. Comme j'ai plus de 50 ans, j'ai dit mon âge. Et que je n'ai pas réussi dans ma vie, je n'ai pas de Rolex. Rolex, qui comme le souhait très justement remarqué cette semaine Jean-François Copé, est en vente à 8,50€. Ouh là là, mais c'est que j'ai déjà bientôt la fin de ma chronique. J'aurais tellement aimé vous dire d'autres choses sur Frankenstein. Est-ce lui rendre justice que de ne parler de lui qu'en 4 minutes? Après la vie de souffrance qu'il a eu, n'est-ce pas misérable? Je me demande même si je devrais pas m'arrêter là. Je pense même que c'est ce que je vais faire. J'aurais fait ce que j'avais pu sur le sujet, ou comme aurait dit Franck Ribéry: j'ai couru jusqu'à ce que j'attends que je pouvais. Merci à tous. Merci Thibault. Oh, je t'en prie.